Ce samedi soir, je me promenais dans un petit parc abandonné. J'étais tout seul en train de penser comment serait l'éternité. En regardant toutes ces étoiles, une chose étrange se produisit. En regardant toutes ces étoiles, une lumière venait me percuter. J'avais rêvé d'un magicien qui me disait c'est exaucé, ton vœu c'était l'éternité. Alors maintenant t'as 40 vies, t'es condamné à m'obéir. Si t'es sympa, je t'en enlève deux, alors je commence à me flinguer. Soit difficile, les pistolets étaient tous vides. Et il m'a dit, t'as pas compris, tu dois mourir naturellement. Essaie de te tuer et tu verras. Je t'ajouterai quelques années. Je suis l'homme éternel, j'ai 40 vies. Quand je vois des gens qui se plaignent pour des égratignons de merde, quand je vois des gens qui se plaignent pour des conneries, bah ça me donne vraiment envie de gerber. Qu'est-ce que je devrais dire moi? Condamné à 40 vies, 40. Putain, c'est la merde.